Chapitre 5. Moraliste, la Bruyère. Les écrivains du même siècle, quelque différents qu'ils soient par le génie, ont cependant quelque chose de commun entre eux. On reconnaît ceux du bel âge de la France à la fermeté de leur style, au peu de recherche de leurs expressions, à la simplicité de leur tour, et pourtant à une certaine construction de phrases grecques et latines qui, sans nuire au génie de la langue française, annonce les modèles dont ces hommes s'étaient nourris. De plus, les littérateurs se divisent, pour ainsi dire, en parties qui suivent tel ou tel maître, telle ou telle école. Ainsi, les écrivains de Port-Royal se distinguent des écrivains de la société. Ainsi, Fénelon, Massillon et Fléchier se touchent par quelques points, et Pascal, Bossuet et La Bruyère par quelques autres. Ces derniers sont remarquables par une sorte de brusquerie de pensée et de style qui leur est particulière. Mais il faut convenir que La Bruyère, qui imite volontiers Pascal, affaiblit quelquefois les preuves et la manière de ce grand génie. Quand l'auteur des Caractères, voulant démontrer la petitesse de l'homme, dit « Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part sur cet atome », etc., il reste bien loin de ce morceau de l'auteur des pensées. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Qui le peut comprendre? La Bruyère dit encore, il n'y a pour l'homme que trois événements, naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il oublie de vivre. Pascal fait mieux sentir notre néant. Le dernier acte est toujours sanglant. Quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. Comme ce dernier mot est effrayant. On voit d'abord la comédie, et puis la terre, et puis l'éternité. La négligence avec laquelle la phrase est jetée montre tout le peu de valeur de la vie. Quelle amère indifférence dans cette courte et froide histoire de l'homme. Quoi qu'il en soit, La Bruyère est un des beaux écrivains du siècle de Louis XIV. Aucun homme n'a su donner plus de variété à son style, plus de formes diverses à sa langue, plus de mouvement à sa pensée. Il descend de la haute éloquence à la familiarité et passe de la plaisanterie au raisonnement sans jamais blesser le goût ni le lecteur. L'ironie est son arme favorite. Aussi philosophe que Théophraste, son coup d'œil embrasse un plus grand nombre d'objets, et ses remarques sont plus originales et plus profondes. Théophraste conjecture, La Rochefoucauld devine, et La Bruyère montre ce qui se passe au fond des cœurs. C'est un grand triomphe pour la religion que de compter parmi ses philosophes un Pascal et un La Bruyère. Il faudrait peut-être, d'après ces exemples, être un peu moins prompt à avancer qu'il n'y a que de petits esprits qui puissent être chrétiens. Si ma religion était fausse, dit l'auteur des Caractères, je l'avoue, voilà le piège le mieux dressé qu'il soit possible d'imaginer. Il était inévitable de ne pas donner tout au travers et de n'y être pas pris. Quelle majesté, quel éclat de mystère, quelle suite et quel enchaînement de toute la doctrine, quelle raison éminente, quelle candeur, quelle innocence de mœurs, quelle force invisible et accablante de témoignages, rendus successivement et pendant trois siècles entiers par des millions de personnes les plus sages, les plus modérées qui fussent alors sur la terre, et que le sentiment d'une même vérité soutient dans l'exil, dans les fers, contre la vue de la mort et du dernier supplice. Si La Bruyère revenait au monde, il serait bien étonné de voir cette religion dont les grands hommes de son siècle confessait la beauté et l'excellence, traité d'infâme, de ridicule, d'absurde. Il croirait sans doute que les esprits forts sont des hommes très supérieurs aux écrivains qui les ont précédés, et que devant eux Pascal, Bossuet, Fénelon, Racine sont des auteurs sans génie. Il ouvrirait leurs ouvrages avec un respect mêlé de frayeur. Nous croyons le voir, s'attendant à trouver à chaque ligne quelque grande découverte de l'esprit humain, quelque haute pensée, peut-être même quelque fait historique auparavant inconnu, qui prouve invinciblement la fausseté du christianisme. Que dirait-il, que penserait-il dans son second étonnement, qui ne tarderait pas à suivre le premier. La Bruyère nous manque. La Révolution a renouvelé le fond des caractères. L'avarice, l'ignorance, l'amour-propre se montrent sous un jour nouveau. Ces vices, dans le siècle de Louis XIV, se composaient avec la religion et la politesse. Maintenant, ils se mêlent à l'impiété et à la rudesse des formes. Il devait donc avoir dans le XVIIe siècle des teintes plus fines, des nuances plus délicates. Ils pouvaient être ridicules, alors. Ils sont odieux aujourd'hui. Chapitre 6. Suite des moralistes. Il y avait un homme qui, à 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques, qui, à 16, avait fait le plus savant traité des coniques qu'on eût vu depuis l'Antiquité, qui, à 19, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement, qui, à 23, démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique, qui, à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion, qui, depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivé dans sa 39e année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie comme du raisonnement le plus fort, enfin qui, dans les courts intervalles de ses mots, résolut par l'abstraction un des plus hauts problèmes de géométrie, et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal. Il est difficile de ne pas rester confondu d'étonnement lorsqu'en ouvrant les pensées du philosophe chrétien, on tombe sur les 6 chapitres où il traite de la nature de l'homme. Les sentiments de Pascal sont remarquables, surtout par la profondeur de leur tristesse et par je ne sais quelle immensité. On est suspendu au milieu de ces sentiments comme dans l'infini. Les métaphysiciens parlent de cette pensée abstraite qui n'a aucune propriété de la matière, qui touche à tout sans se déplacer, qui vit d'elle-même, qui ne peut périr parce qu'elle est invisible, et qui prouve péremptoirement l'immortalité de l'âme. Cette définition de la pensée semble avoir été suggérée aux métaphysiciens par les écrits de Pascal. Il y a un monument curieux de la philosophie chrétienne et de la philosophie du jour. Ce sont les pensées de Pascal, commentées par les éditeurs. On croit voir les ruines de Palmyre, restes superbes du génie et du temps, au pied desquels l'arabe du désert a bâti sa misérable hutte. Voltaire a dit « Pascal, fou sublime, né un siècle trop tôt ». On entend ce que signifie ce siècle trop tôt. Une seule observation suffira pour faire voir combien Pascal, sophiste, eût été inférieur à Pascal, chrétien. Dans quelle partie de ses écrits, le solitaire de Port-Royal s'est-il élevé au-dessus des plus grands génies? Dans ses 6 chapitres sur l'homme. Or, ces 6 chapitres, qui roulent entièrement sur la chute originelle, n'existeraient pas si Pascal eût été incrédule. Il faut placer ici une observation importante. Parmi les personnes qui ont embrassé les opinions philosophiques, les unes ne cessent de décrier le siècle de Louis XIV, les autres, se piquant d'impartialité, accordent à ce siècle les dons de l'imagination et lui refusent les facultés de la pensée. C'est le 18e siècle, s'écrit-on, qui est le siècle penseur par excellence. Un homme impartial qui lira attentivement les écrivains du siècle de Louis XIV s'apercevra bientôt que rien n'a échappé à leur vue, mais que, contemplant les objets de plus haut que nous, ils ont dédaigné les routes où nous sommes entrés et au bout desquelles leur œil perçant avait découvert un abîme. Nous pouvons appuyer cette assertion de 1000 preuves. Est-ce faute d'avoir connu les objections contre la religion que tant de grands hommes ont été religieux? Oublie-t-on que Bayle publiait à cette époque même ses doutes et ses sophismes? Ne sait-on plus que Clark et Leibniz, n'était occupé qu'à combattre l'incrédulité, que Pascal voulait défendre la religion, que La Bruyère faisait son chapitre des esprits forts et Massillon son sermon de « La vérité d'un avenir », que Bossuet, enfin, lançait ses paroles foudroyantes sur les athées. Qu'ont-ils vu, ces rares génies? Qu'ont-ils vu, plus que les autres? Quelle ignorance est la leur? Et qu'ils seraient aisés de les confondre, si faibles et présomptueux, ils ne craignaient point d'être instruits. Car pensent-ils avoir vu mieux les difficultés, à cause qu'ils y succombent? Et que les autres, qui les ont vus, les ont méprisés? Ils n'ont rien vu, ils n'entendent rien. Ils n'ont pas même de quoi établir le néant auquel ils espèrent après cette vie, et ce misérable partage ne leur est pas assuré. Et quels rapports moraux, politiques ou religieux se sont dérobés à Pascal? Quel côté de choses n'a-t-il point saisi? S'il considère la nature humaine en général, il en fait cette peinture si connue et si étonnante. La première chose qui s'offre à l'homme, quand il se regarde, c'est son corps, etc. Et ailleurs, l'homme n'est qu'un roseau pensant, etc. Nous demandons si dans tout cela, Pascal s'est montré un faible penseur. Les écrivains modernes se sont fort étendus sur la puissance de l'opinion, et c'est Pascal qui le premier l'avait observé. Une des choses les plus fortes que Rousseau ait hasardé en politique se lit dans le discours sur l'inégalité des conditions. Le premier, dit-il, qui, ayant clos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », fut le vrai fondateur de la société civile. Or, c'est presque mot pour mot l'effrayante idée que le solitaire de Port-Royal exprime avec une tout autre énergie. « Ce chien est à moi », disaient ses pauvres enfants. « C'est ma place au soleil. Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. » Et voilà une de ces pensées qui font trembler pour Pascal. Quelle ne fût point devenu ce grand homme s'il n'avait été chrétien? Quel frein adorable que cette religion qui, sans nous empêcher de jeter de vastes regards autour de nous, nous empêche de nous précipiter dans le gouffre. C'est le même Pascal qui a dit encore « 3 degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité ou du peu d'années de possession. Les lois fondamentales changent, le droit à ses époques. Plaisante justice qu'une rivière ou une montagne borne. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. » Certes, le penseur le plus hardi de ce siècle, l'écrivain le plus déterminé à généraliser les idées pour bouleverser le monde, n'a rien dit d'aussi fort contre la justice des gouvernements et les préjugés des nations. Les insultes que nous avons prodiguées par philosophie à la nature humaine ont été plus ou moins puisées dans les écrits de Pascal. Mais en dérobant à ce rare génie la misère de l'homme, nous n'avons pas su comme lui en apercevoir la grandeur. Bossuet et Fénelon, le premier dans son histoire universelle, dans ses avertissements et dans sa politique tirée de l'écriture sainte, le second dans son Télémaque. On dit sur les gouvernements toutes les choses essentielles. Montesquieu lui-même n'a souvent fait que développer les principes de l'évêque de Meaux, comme on l'a très bien remarqué. On pourrait faire des volumes des divers passages favorables à la liberté et à l'amour de la patrie qui se trouvent dans les auteurs du XVIIe siècle. Et que n'a-t-on point tenté dans ce siècle? L'égalité des poids et mesures, l'abolition des coutumes provinciales, la réformation du code civil et criminel, la répartition égale de l'impôt. Tous ces projets dont nous nous vantons ont été proposés, examinés, exécutés même, quand les avantages de la réforme en ont paru balancer les inconvénients. Bossuet n'a-t-il pas été jusqu'à vouloir réunir l'Église protestante à l'Église romaine? Quand on songe que Bagnoli, le maître, Arnaud, Nicole, Pascal, s'étaient consacrés à l'éducation de la jeunesse. On aura de la peine à croire sans doute que cette éducation est plus belle et plus savante de nos jours. Les meilleurs livres classiques que nous ayons sont encore ceux de Port-Royal, et nous ne faisons que les répéter, souvent en cachant nos larcins dans nos ouvrages élémentaires. Notre supériorité se réduit donc à quelques progrès dans les études naturelles, progrès qui appartiennent à la marche du temps, et qui ne compensent pas, à beaucoup près, la perte de l'imagination qui en est la suite. La pensée est la même dans tous les siècles, mais elle est accompagnée plus particulièrement ou des arts ou des sciences. Elle n'a toute sa grandeur poétique et toute sa beauté morale qu'avec les premiers. Mais si le siècle de Louis XIV a conçu les idées libérales, pourquoi donc n'en a-t-il pas fait le même usage que nous ? Certes, ne nous vantons pas de notre essai. Pascal, Bossuet, Fénelon ont vu plus loin que nous, puisqu'en connaissant comme nous et mieux que nous la nature des choses, ils ont senti le danger des innovations. Quand leurs ouvrages ne prouveraient pas qu'ils ont eu des idées philosophiques, pourrait-on croire que ces grands hommes n'ont pas été frappés des abus qui se glissent partout, et qu'ils ne connaissaient pas le faible et le fort des affaires humaines ? Mais tel était leur principe, qu'il ne faut pas faire un petit mal même pour obtenir un grand bien, à plus forte raison pour des systèmes dont le résultat est presque toujours effroyable. Ce n'était pas par défaut de génie sans doute que ce Pascal qui, comme nous l'avons montré, connaissait si bien le vice des lois dans le sens absolu, disait, dans le sens relatif, que l'on a bien fait de distinguer les hommes par les qualités extérieures. Qui passera de nous deux ? Qui cédera la place à l'autre ? Le moins habile ? Mais je suis aussi habile que lui. Il faudra se battre pour cela. Il a 4 laquais, et je n'en ai qu'un. Cela est visible. Il n'y a qu'à compter. C'est à moi à céder, et je suis un sot si je le conteste. » Cela répond à des volumes de sophismes. L'auteur des pensées se soumettant aux 4 laquais est bien autrement philosophe que ces penseurs que les 4 laquais ont révoltés. En un mot, le siècle de Louis XIV est resté paisible, non parce qu'il n'a point aperçu telle ou telle chose, mais parce qu'en la voyant, il l'a pénétrée jusqu'au fond, parce qu'il en a considéré toutes les faces et connu tous les périls. S'il ne s'est point plongé dans les idées du jour, c'est qu'il aura été supérieur. Nous prenons sa puissance pour sa faiblesse. Son secret et le nôtre sont renfermés dans cette pensée de Pascal. Les sciences ont 2 extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle où se trouvent les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien et se rencontrent dans cette même ignorance d'où ils sont partis. Mais c'est une ignorance savante qui se connaît. Ceux d'entre eux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l'autre ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge plus mal que tous les autres. Le peuple et les habiles composent pour l'ordinaire le train du monde. Les autres les méprisent et en sont méprisés. Nous ne pouvons nous empêcher de faire ici un triste retour sur nous-mêmes. Pascal avait entrepris de donner au monde l'ouvrage dont nous publions aujourd'hui une si petite et si faible partie. Quel chef-d'œuvre ne serait point sorti des mains d'un tel maître ? Si Dieu ne lui a pas permis d'exécuter son dessein, c'est qu'apparemment il n'est pas bon que certains doutes sur la foi soient éclaircis, afin qu'il reste matière à ces tentations et à ces épreuves qui font les saints et les martyrs. Fin du livre 2.